boum, c'est YouTube, c'est énergie, c'est explosion directe, explosion là. Vas-y, là tu mets des flashs, des trucs. Alors les jeunes ont kiffé internet. Je supporte plus l'humour de mon frère. Yes, I. C'est trop. Salut tout le monde, c'est parti. On est là pour vous parler de la collab Célio et Visionnaire. Mais tu sais quoi, on envoie la vidéo. Envoie la vidéo. C'est la plus grosse collab de l'histoire de notre marque de fringues, on est trop content de ça. C'est une grosse enseigne française, c'est juste énorme. C'est des milliers et des milliers de pièces. On nous a laissé totalement carte blanche avec notre marque Visionnaire qu'on a depuis 2 ans, un vrai kiff. Il faut savoir que la marque Visionnaire, on l'a créée à 3. C'est nous deux et Malik dont le visage s'affiche ici. On a créé ça il y a 3 ans et on s'est dit ouais, ça fera des petits t-shirts pour les concerts. Et aujourd'hui, voilà, on est en fit, on peut dire que c'est un fit. Ouais, notre marque Visionnaire, c'est un vrai kiff qu'on a. On a pris plaisir à faire des vêtements et à bosser dans ça. Nous qui étions à la base, pas du tout. C'est pas notre métier. On n'est pas des gars de la mode quoi. Alors attendez, j'ai un truc. Regardez ça les amis, j'ai les boîtes. Alors ça, vous ne le trouverez pas en magasin, c'est des boîtes pour les influencers. C'est Lio Visionnaire, de toute façon on va l'ouvrir. Les amis, ouverture de la boîte avec toute la collection à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est classe. Et regardez, il y a une punchline ici, ça vient de mon solo Olivio sur l'album. Ah oui, voilà. La vraie la lune et quand j'y serai, je faisais la paix. Regardez, il y a même des bonbons visionnaires qui ont été faits. Ça c'est ouf. Là les amis, dans ce carton, il y a toute la collab. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une espèce de truc comme les meufs influenceuses. On va faire une espèce de mini défilé vidéo. On montre chacun notre pièce préférée de la boîte. C'est choisi direct, c'est celle-là, c'est le bomber visionnaire, regardez-moi ça. Celle-là, je crois qu'il y en a moins que les autres. Hein. Yes, I. Plus dur à faire. Combien coûte ça? C'est 80 euros, les amis. Ah, c'est la plus chère de toutes. Bah, toi, t'as des goûts de luxe. On est hyper content d'avoir fait avec Célio, parce que c'est aussi une marque populaire. C'est une grande enseigne abordable. C'est là où on en est quand on était petit, qu'on n'avait pas forcément trop d'argent et qu'on voulait se faire un kiff. Notre père, tous les 3 mois, il nous disait, on va chez Célio. Les t-shirts sont à 20 euros et les slips, ils sont à 40 euros. 19,99 et 39,99. Voilà, on est super content. La qualité est vraiment bien. Célio se sont pas foutus de notre gueule quoi. Dans chaque projet qu'on fait, on essaie de vous mettre bien et de pas abuser quoi. Alors moi ma pièce préférée, c'est ce sweat. T'as bien Hugo ? Sachez un truc, c'est que chaque sweat comme ça est unique. Parce que vous savez, il coupe au hasard. Quand vous allez le choisir en magasin, faites gaffe à bien choisir avec les bonnes couleurs qui vous plaisent dans les fleurs. Pour répondre à une autre question aussi, c'est vrai qu'à la base, Célio, c'est une marque de prêt-à-porter masculin. Bien entendu, les filles, vous n'êtes pas interdit de rentrer dans le magasin. Visionnaire, ça a toujours été unisex. Hein. Pour les filles et pour les gars, au moment où cette vidéo sort, on est nous, dans le pop-up à Paris, en train de vous rencontrer en mode coro, tu connais. C'est un énorme pop-up. On va essayer de vous mettre des images dans la vidéo. Pas sûr du tout. Sinon, on vous mettra une image qui a rien à voir. Une ville en Allemagne qui s'appelle Pop-up. La ville la plus ressemblante au mot Pop-up. C'est chiant à trouver. Pour les Parisiens, allez-y, vraiment, c'est incroyable ce que le gars de Visionnaire Malik et ce que ces lieux ont fait. C'est immense, il y a plein de trucs à voir, vous pouvez aller acheter vos vêtements là-bas. C'est super esthétique au niveau photo, Instagram, etc. Moi, je voulais dire un truc, suivez l'Instagram de Visionnaire, il s'affiche juste ici. Donnez-nous de la force, parce qu'après, une fois qu'on aura fini toutes les surprises, nous, on va se retirer, on va faire le prochain album. Visionnaire continuera, pour les gens qui se posaient la question. Évidemment. Il y aura des nouvelles collabs, il y aura des nouvelles collectes. Donc, suivez la marque, c'est important, c'est la nôtre. Il y a même des projets qui sont en lien qu'on va pas vous dire, genre, on va ouvrir une boutique à Toulouse. Voilà. Ils sont dispo sur internet, ils sont dispo dans les magasins. Ils sont dispo en Belgique, le site libre, tout le monde peut l'avoir. J'espère que ça vous plaira. Nous, on a vraiment pris le temps, on a été à l'initiative de chacune des pièces. C'est important, quand on s'engage dans un truc, on engage notre public. Donc on se fout pas de votre gueule. Je vous montre un exemple. Ça, c'est moi qui avais dessiné ça, une après-midi. et il est sorti comme ça, avec des petites matières, etc. J'espère vous kiffer, parce que si c'est le moins vendu, ça sera moi l'unique responsable. Ça, c'est ma phrase. J'ai eu l'idée égocentrique et mégalomane de mettre ma phrase « Je vise la lune, quand je serai, je viserai la terre » et de le remplacer par des petits pictogrammes. C'est le terme précis, brodé. T'aimes bien, Hugo? Hugo, on n'expliquera pas qui c'est juste il est là pour dire des trucs positifs. Commentez, big up à Hugo, quoi, il est là, il est toujours là. Je crois qu'on a tout dit, demain on sera à Toulouse pour vous rencontrer, mais pareil, le corona est en mode gâchard, donc... Ouais, ça nous gâche tout, hein. On devra juste vous faire des coucous de loin. Par contre, le pop-up de Paris est fou, les amis, vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Plusieurs semaines, si vous passez à Paris, pour les Parisiens, passez-y, prenez ou pas des pièces, et mettez un peu en story, qu'on voit un peu dans chaque ville, mettez votre ville et la story. Merci Célio en tout cas de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à la marque Visionnaire, go la suivre. Ouais. La follow sur Insta. Il y a d'autres surprises qui arrivent sur Visionnaire. Plein de surprises. On peut pas vous parler encore, c'est les bagues et les chaussures. On va vous... Il y a un gros, gros, gros projet, le projet pour moi de notre carrière en ce moment, qui arrive bientôt. Qu'est-ce que j'en ai marre de pas pouvoir en parler ça. C'est le dernier gros projet avant qu'on... C'est bon, je crois. On a sûrement oublié des trucs. Sachez juste que, à la base, Flo m'a vraiment convaincu pour faire Célio. Parce que moi, j'ai toujours peur de m'allier à des grosses marques et de m'allier. Oui, je le dis. Et Célio, appelez-moi s'il y a un problème. Mais j'ai rencontré les équipes, ils m'ont convaincu. On a eu carte blanche, on a pu faire ce qu'on voulait. C'est pour ça que je fais partie du projet, sinon je l'aurais pas fait. J'ai bien fait. Et je m'en vais sur ça. Est-ce que j'ai bien fait de forcer? Hugo, tu kiffes? Très lourd. C'est quand même une étape pour Visionnaire. Tu peux pas dire le contraire. Oli, reviens. Tu peux pas dire le contraire.